les amis. Du coup, bah, les amis, pour moi, c'est dans l'adolescence, ça a un lien parce que c'est là où on perd nos amis, là où on en gagne, là où on voit si c'est vraiment nos copines, si c'est vraiment nos copains aussi, parce qu'il y a les amis garçons et les amis filles. Et je trouve que en fait, cette période, c'est important aussi, les amis, parce que ils vont nous montrer un petit peu pas la vie, mais on va démarrer, en fait, on démarre notre vie avec eux. Bon, même si à l'heure d'aujourd'hui, des fois, il y en a, on n'en reparle plus et c'est fini. Mais je trouve que c'est important un petit peu quand même. Toi, t'as perdu des amis à l'adolescence ? Ouais. Tu saurais expliquer pourquoi ou comment ça s'est passé ? Bah, parce qu'en fait, je suis trop gentille. Je suis gentille, on me dit que je suis méchante des fois. Mais en fait, quand je donne ma confiance, bah, moi, je la donne. Et après, bah, eux, ils pensent pas comme moi. Du coup, bah, voilà. Et tu trouves qu'ils ont abusé de ta gentillesse ou de ta confiance ? Ouais. D'accord. Mmh. Du coup, tu as décidé de rompre les liens avec eux ? Oui, c'est plus simple comme ça. Rompre un lien, c'est plus simple. Au moins, après, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Du coup, bah, ça ne sert à rien de continuer à se parler. Quoi. Quelqu'un qui veut dire quelque chose sur les amis ? Est-ce que c'est important les amis à l'adolescence ? Oui. Selon toi ? Ouais. Parce que, en fait, non, en fait, déjà, je pense qu'il y a différents types d'amitié. Souvent, c'est lié à notre environnement, soit à l'école, soit en dehors de l'école. Par exemple, il y a des amis, c'est plutôt du 8h-17h. Et après, bah, on ne va pas forcément sortir avec eux en dehors pour aller manger ou faire une activité, quelle que soit. Alors qu'il y a, avec des personnes comme Nour et Amina, par exemple, on les connaît depuis qu'on est petite et on entretient ce lien, même si on n'est pas dans la même école, on ne fait pas le même parcours scolaire, etc. Du coup, je pense que c'est important pour déjà extérioriser, communiquer sur toute chose. Genre extérioriser, ça veut dire quoi pour toi ? Parler de tes émotions ? Oui, c'est ça. De la vie, de tout. Parler de tout, de ce qu'on fait à quelqu'un, de partager des activités, des moments qui nous font oublier les choses. Est-ce que tu as une meilleure amie ou un meilleur ami plus fort que les autres ? Ouais. Ouais ? Et c'est quelqu'un avec qui c'est quoi la différence ? Ça te vient après, tu pourras revenir après. Et toi, Amina ? Si les amis, c'est important ? Oui. Bah, bien sûr, parce que c'est avec qui on partage beaucoup de choses. Enfin, il y en a avec qui, je sais pas, genre, on peut... En fait, il y a des gens avec qui on peut partager certaines choses, mais il y en a d'autres, on peut pas partager ça avec eux. Pas parce que en gros, ils sont différents des autres, mais... On est plus réservé avec certaines personnes que d'autres, en fait. Mais pour moi, c'est important parce que ça peut nous aider. Après, on dit souvent aussi que quand on grandit, que les amis, ça sert... Enfin, on va pas dire que ça sert à rien, mais que... je sais pas comment expliquer. Mais en gros, plus on grandit, et moins on a d'amis. Genre, le cercle, il se réduit. Mais on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, en fait. Après, bah, les personnes, pour moi, en fait, même si je leur parle plus, elles comptent toujours pour moi, parce que c'est des personnes qui ont fait partie de ma vie. Et malgré tout, bah, quand j'aime quelqu'un, bah, c'est la vie. Voilà. Et quand on dit ça sert à rien, est-ce que tu... Par exemple, on peut penser aux mauvaises fréquentations ? Oui, en partie. Bah, les mauvaises fréquentations, ça te guide pas loin dans ta vie. Et du coup, vaut mieux avoir de meilleures fréquentations. On va pas dire quelqu'un qui... Enfin, en fait, quelqu'un qui veut ton bien que quelqu'un qui te tire vers le bas. Et donc, comment on sait ça ? Bah, c'est quelqu'un qui va te... Par exemple, on peut parler religieusement. Par exemple, quelqu'un qui va te demander si tu fais ta prière ou quelqu'un qui va te demander si à l'école ça se passe bien, si t'as besoin d'aide. Enfin, c'est quelqu'un qui veut vraiment ton bien. Alors qu'une mauvaise, une amie qui veut ton mal, il va plus. Il va pas te demander tout ça, déjà rien à voir. Il va plus te tirer vers le mauvais chemin. C'est-à-dire tout le temps sortir ou faire des choses malhonnêtes. Ça vous est déjà arrivé à l'une ou à l'autre d'avoir des mauvaises fréquentations? Tu peux nous raconter un truc ou pas? Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Mais ils vont pas, je sais pas. Genre, en fait, quand je me suis rendu compte maintenant, c'est que en fait, ils ne tiraient pas vers le haut. Genre, quand j'étais avec eux, je faisais n'importe quoi. Et du coup, voilà. Et je me suis vite, j'ai repris conscience. Et grâce à ma maman, puisque ma maman, à chaque fois, elle me disait qui, mes vraies copines. Et quand elle me dit vraiment, elle est la sympa ou pas, et ben, elle a raison. Du coup, faut toujours écouter sa maman. Toi, t'écoutes toujours ta maman ? Non. Mais tu te rends compte qu'elle a souvent raison quand même. Oui, à chaque fois, elle a raison. En plus, elle nous dit, vous allez voir, elle va avoir raison. On lui dit, mais non. Et après, en fait, elle avait raison. Après, elle nous dit. Comment ça se fait alors que tu l'écoutes pas tout le temps ? Bah, adolescent, du coup, on veut faire qu'il y a notre tête. Du coup, des fois, on va pas l'écouter, alors qu'on sait très bien qu'elle a raison au fond. Mais on fait qu'à notre tête et on dit non et tout. Mais après, elle nous dit, je vous avais dit. Tu veux dire quelque chose? On passe? Allez, deuxième papier. Croissance. C'est moi qui ai mis ça, mais justement. Croissance, pour moi, c'est quand tu évolues. Pas forcément quand tu mûris, mais quand tu évolues, quand tu te rends compte de certaines choses, un peu comme dans l'amitié ou dans la vie de tous les jours. On peut grandir en taille aussi, dans la croissance, mais c'est apprendre. C'est des connaissances, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Avoir de nouvelles connaissances. En apprendre plus sur... l'évolution. Tu trouves qu'à l'adolescence, on découvre plein de choses ? Bah oui, parce que du coup, après, c'est comme ça qu'on utilise le passé. Déjà, on va dire, j'ai vécu ça, donc forcément, c'est le passé. Et c'est là où on apprend les choses. T'as un exemple ou pas ? Quand est-ce que tu t'es dit, là, j'ai grandi, j'ai appris quelque chose ? Un exemple de ma vie ? Ouais. Par exemple, à l'école. Avant, je me disais que l'école, ça servait à rien, parce que je vois beaucoup de gens, en fait, sans diplôme et tout, qui réussissent leur vie, on va dire. Mais en fait, l'école, ça sert parce que nos parents ou même nos grands-parents, ils n'avaient pas la chance d'aller à l'école. Et quand on voit, nous, aujourd'hui, la plupart des adolescents, du coup, ils ne profitent pas, en gros. La plupart, ils sont à la mission locale, mission locale ou même des choses comme ça, alors qu'ils avaient les capacités de réussir. En fait, ils sont têtus et ça leur porte préjudice à la fin. Après, peut-être qu'ils regretteront plus tard, je sais pas, mais voilà. Rien de spécial ? Ah, tu peux me poser là comme ça, je réponds pas. Apprendre. Pour moi, apprendre, c'est dans tout, c'est au continu de notre vie. On apprend tous les jours. Que ce soit à l'école, les leçons de vie, apprendre à faire quelque chose, du patin ou je ne sais pas. C'est un mot de la vie courante, de notre quotidien, c'est existentiel, essentiel. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes bien apprendre, toi ? Moi ? Le maquillage. Exact. Tu passes du temps à apprendre ça ? À exercer ? Ouais, parce que je m'ennuie. Dans ma chambre à 2h du matin, je me maquille. C'est vrai ? Tu dors pas ? Non, c'est le week-end. La semaine, autrement, je dors tout. Et donc, ça te passionne d'apprendre à te maquiller ? Ou c'est juste un passion ? Non, c'est juste comme ça. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte à ton âge ? À mon âge ? Bah ouais, par exemple, à ton avis, j'ai dit, mais à mon avis. Qu'est-ce que ça t'apporte à ton âge d'apprendre ça ? Pas grand-chose. Ça sert à rien? Non. C'est un loisir, enfin, c'est comme ça. À se sentir belle. Ouais. C'est important. Ouais. Voilà. Apprendre, ça vous évoque quelque chose, les filles? La croissance. Ce que tu viens de dire. L'école. Toi aussi, tu trouves que ça sert pas à rien, l'école? Non, ça sert pas à rien, l'école. Tu l'as toujours pensé? Ouais. Mais pour ça, c'est un conditionnement, je pense. C'est mon entourage, depuis que je suis petite, on me dit qu'il faut que j'aille à l'école, que j'ai des bonnes notes. Et carrément, des fois, j'étais stressée. Puisque stressée. Angoissée? Oui. Je me mets trop de pression. Voilà. Et ça a fait quoi, du coup? C'est... Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Des fois, je... Par exemple, je travaillais jusqu'à 2h du matin, au final, j'avais 6. Donc, je me dis, j'ai pas dormi. J'ai fait tout ça pour rien. Après, ça décourage aussi. Donc, voilà. T'as envie de dire un truc sur apprendre? On en apprendra toute notre vie, en fait. Ça, c'est sûr. Depuis qu'on est né, jusqu'à qu'on va grandir et tout, on apprendra toute notre vie. On passe à un autre papier. Routine. En fait, on a une petite routine à chaque fois. Le matin, on se lève, on se prépare, on va à l'école, on va faire une petite routine, quoi. Et voilà. Tu trouves ça positif ou négatif? En fait, un peu négatif quand même. Parce que si on fait tout le temps la même routine, on va s'ennuyer à un moment donné. Mais par exemple, s'il y a notre routine, par exemple, quand on va à l'école, on sait qu'à chaque fois qu'on va à l'école, on va apprendre de nouvelles choses, pas la même chose qu'on a appris hier. Du coup, c'est une routine positive. Mais quand on fait une routine, par exemple, toujours la même, par exemple pendant les vacances, des fois, on a toujours la même routine. On dort, on se lève, on mange, on fait un petit peu de ménage, on fait quoi. En fait, c'est toujours la même routine quand tu t'ennuies, quoi. Donc, des fois, c'est négatif. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La routine? Ouais. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça dépend. Ça dépend, ça concerne quoi, en fait? Tu trouves que ta vie à l'adolescence, il y a de la routine dedans? Ouais. Ouais, parce que déjà on partit de l'école. Moi, en fait, j'aime bien, enfin, en fait, par exemple, on va dire, j'aime bien lire des chroniques, par exemple. On va dire que c'est assez une routine, genre, par exemple, le soir avant de dormir, genre, j'en lis tout le temps. On va pas dire que c'est positif, mais par exemple, ça m'apprend aussi des choses de la vie que je connais pas forcément. On va pas dire, enfin, ça me fait mûrir un petit peu. Et voilà, donc la routine c'est positive, mais des fois c'est négatif, ça dépend. Tu lis quoi comme chronique? Ça dépend, il y a de tout en fait. Par exemple, je vais pas vous dire les kidnappings parce que c'est fictif. Ouais. Par exemple, les dames, l'harcèlement, les viols, les amours, si on peut dire ça, le quartier. La routine, du coup. Et des fois, on dit que l'adolescence, c'est l'âge des premières fois. C'est-à-dire? Des découvertes. On découvre, on fait plein de choses pour la première fois, on apprend, on découvre des choses nouvelles et un peu tout le temps, quoi. Les premières expériences, je sais pas moi, amoureuses, les premières. Attends. Et du coup, est-ce que tu dis que la vie d'adolescente, c'est beaucoup la routine? T'as pas ce côté-là de première fois, je découvre pour la première fois, j'ai le droit de sortir, pour la première fois j'ai le droit d'aller. En fait, quand j'apprends une nouvelle chose, ça me rend heureuse, pardon. Et du coup, je rigole tout le temps, je suis souriante tout le temps. Mais ça veut pas dire que je suis heureuse forcément. Mais là, par exemple, quand j'apprends une nouvelle chose positive, qui va me servir surtout, là je suis heureuse parce que je sais que ça sera peut-être un truc en plus dans ma routine. Mais ça sera un truc que j'ai appris de moi-même. Je sais pas si. Nour, tu voulais dire quelque chose? Bah ouais, c'est vrai, c'est une première fois à tout, parce que c'est là où on rentre plus dans l'âge bah, des amours, des trucs comme ça. En fait, tu vois, on brise le cœur. Pardon. Et franchement, c'est triste. Est-ce que vous voulez raconter chacune une première fois? Une première Par fois. exemple, le premier chagrin d'amour ou le premier, je sais pas, moi, ce que vous Premier voulez. chagrin d'amour. Alors, j'en ai eu deux. Mon premier chagrin, en gros, je parlais à un garçon. En fait, de base, on s'aimait pas. Et après, il était dans ma classe en quatrième. Et du coup, on a parlé ensemble pendant 2 ans. Mais en fait, il voulait sortir avec moi je voulais pas. Et du coup, déjà, il l'a mal pris, mais après, ça va. Et en fait, d'après les gens, on se comportait comme un couple alors qu'on n'était pas en couple. Et après, j'ai même rencontré sa maman. Mais c'était pas fait exprès, ça, par contre. J'ai rencontré sans faire exprès. J'étais stressée et tout. Et après, c'était quoi? C'était pendant le confinement, le premier confinement et tout. En fait, non, c'était quand Macron a annoncé le confinement, que l'Inde allait être confinée. Le vendredi soir, Amina elle est venue me chercher au collège, parce qu'on était en troisième. Et on l'a croisée avec une fille. Sauf qu'en fait, on les espionnait, mais ils nous ont vus. Du coup, ils m'ont envoyé un message. Il m'a dit, t'es où? Et je lui ai inventé un truc, je sais quoi. Et après, on est parti manger, moi et Amina. Et on est allé exprès où ils étaient. Du coup, quand ils nous ont vus, déjà, elle était assise sur ses genoux. Et quand ils nous ont vus, il l'a poussée. Et voilà, il tournait. Et du coup, on se parlait et tout. Alors, on avait le cœur rouge sur Snap. Et pendant le confinement, on l'a perdu. Il l'a eu avec sa copine, là. Le cœur rouge, c'est quand tu t'envoies On se parle tous les beaucoup, jours, oui, voilà. des flammes ou des trucs comme ça. Ouais. Du coup, après, ça s'est fini, on s'est peu parlé. Et à nouveau, il est rentré dans ma vie. Sauf que un conseil que je peux donner, ne jamais parler avec quelqu'un qui habite dans le même quartier que toi. C'est très difficile. Lui, il m'a plus brisé le cœur, franchement. Parce qu'en fait, j'ai trop été gentille avec lui et du coup, il a pris la confiance. Alors qu'aujourd'hui, il prend encore la confiance. Et en fait, hier, il a vu une fille. Sauf que la fille, c'est ma copine. Enfin, ma copine. Elle m'aime bien, mais moi, j'allais gentille, mais voilà quoi. Je raconte pas trop ma vie. C'est une connaissance, on va dire. Et en fait, nous, on est partis. J'étais avec Camélia et une autre copine à nous. On a dit, on va les espionner. Sauf qu'on s'est fait cramer. Notre mission a échoué. Et en fait, nous, on se parle, lui et moi, on se parle plus. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on se parle plus. On s'est reparlé vite fait à travers le snap de Amina, mais vite fait, on se parle plus. Et en gros, vu qu'on a cassé son cou, il nous a dit, vous êtes des chétanas, je sais pas quoi, et tout. Ça veut dire quoi? En gros, on est des diables, parce qu'on a cassé son cou. Mais lui, en fait, depuis qu'on se parle, et pas que, on se bloquait, on se rajoutait, on se bloquait, on se rajoutait, et franchement, ça mène à rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que, franchement, lui reparler, ça ne servira à rien. Alors qu'avant, à chaque fois, je voulais lui reparler, genre, j'attendais qu'il m'écrivait. Et alors, en fait, juste en un message, j'étais là. Par exemple, on se parlait plus, mais on voit, t'es là, j'allais répondre direct. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis ce que j'ai vu hier, en fait, là, est-ce qu'il a dit, parce que c'est pas passé, vous êtes des chétanas ou je sais pas quoi. Et s'il m'envoie un message, c'est que là, non, en fait, tu veux plus. Et du coup, franchement, l'amour adolescent, à part briser le cœur, ça ne sert à rien. Faut profiter de sa vie seule, enfin seule, mais avec ses copines, avec ses amis. Mais l'amour, franchement, à cet âge-là, c'est difficile. À part être chagriné, penser beaucoup, réfléchir, être triste. Des fois, il y a des côtés positifs. Comme des fois, franchement, ça. Parce que les garçons, à l'heure d'aujourd'hui, ils pensent à avoir le plus de filles, à profiter. Il y a même des filles comme ça. Je ne dis pas que c'est que les garçons, mais la plupart du temps, c'est les garçons. Du coup, pas ça. Il y en a une qui veut raconter une première fois. Non? Ok. Vous voulez qu'on tire un autre papier? Ou tu voulais dire quelque chose sur la routine? Non. Allez. Vivre. Vivre. Ouais. Vivre, ben, faut vivre sa vie, il faut vivre. Vivre, c'est être là, c'est être présent physiquement, physiologiquement. Ouais, psychologiquement aussi, parce qu'en fait, des fois, il y a des choses de la vie qui peuvent faire que on est là sans être là. Donc, en fait, notre cerveau, ça va plus. Parce qu'on est triste, on est en dépression, je sais pas. Ça existe beaucoup les ados en dépression. Oui. Vous en connaissez? J'ai pas entendu en fait ce qu'il a Les dit pour ça. adolescents qui font des dépressions. Bah ouais, bah souvent c'est comme elle a dit, ça concerne l'amour ou même ça concerne la famille. Parce qu'il y en a, ils sont pas forcément bien dans leur maison. En gros, ils sont pas à l'aise. Enfin, ils vivent pas sous de bonnes conditions. Donc ils peuvent être en dépression ou se sentir seuls, je sais pas. C'est banal un peu. Ah ouais? Ouais. Et comment on fait quand on est en dépression? Vous savez? Bah, on fait tout pour aller mieux. Les psychologues, ça peut servir. L'entourage. L'entourage, ouais. La prière aussi, ça peut servir. La foi, ouais. Et on peut dire aussi qu'on vaut mieux que ce qu'on pense. Se donner des images positives? Ouais. Un objectif, en fait. Quand t'es mal, tu donnes un objectif et tu te mets des. Comment dire? Pas des limites, mais tu fais tout pour aller mieux, mais sans dépasser la limite. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Parce que j'arrive pas à développer. Déjà, quand on est en dépression, il faut se rendre compte qu'on est en dépression, parce que des fois, c'est inconscient. Et à partir de ce moment-là, bah, il faut mettre, comme elle a dit Amina, des choses en place pour s'en sortir, voilà, pour aller mieux. Et la foi, ça sert à quoi dans votre vie d'adolescente? Ça vous sert à quoi? À réussir déjà. À réussir. Avoir des valeurs, des convictions. Ça nous, en quelque sorte, ça nous guide. Et ça préserve aussi beaucoup, je pense. Ça t'empêche d'aller dans des mauvais chemins? Aussi, ouais. Parce que je suis beaucoup influençable. Mais ça, je m'en rends pas compte. C'est après que. Une fois que j'ai fait la chose, bah, je vais m'en rendre compte. Et je vais me dire que bah, j'aurais pas dû. Mais justement, bah, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est les mauvaises fréquentations. Et c'est pas ces personnes-là qui vont te raisonner. Et vous avez toujours eu la foi ou ça arrivait à l'adolescence? Ça arrive plus à l'adolescence, parce que quand on est plus petit, on s'en rend pas compte. On pense qu'à jouer, goûter, jouer avec les copains, aller à l'école, parce que voilà, on pense pas. En fait, à l'adolescence, c'est là où tu commences vraiment à réfléchir à ta vie. En fait, tu te dis que t'es pas là pour passer ta vie à jouer aux billes, à jouer avec ses copains tous les jours dehors. En fait, on n'est pas là pour ça. On va grandir un jour ou l'autre, donc il faut qu'on commence à construire sa vie.